Ce soir, pauvre petit lapin, t'as beaucoup de chagrin. Tu restes seul et tu savoures de croque monsieur doré au four. Sur France Inter, une émission explique la fabrication d'un étonnant condiment dont t'as déjà oublié le nom. Le vendredi pourtant réfléchis, c'est le jour de sortie, c'est l'heure de se frotter au monde, d'entrer dans la ronde, de risquer quelques sourires et d'en récolter d'autres, de s'assourdir pour éviter les dangers de paroles sensées. Entre dans la danse, sors de ta tour d'ivoire, c'est ainsi que les plaies se pansent quand il fait nuit noire. Entre dans la danse, sors de ta tour d'ivoire, c'est ainsi que les plaies se pansent quand il fait nuit noire. Pauvre petit lapin, tu voudrais qu'un câlin débarque ici dans ce taudis, dans lequel tu vis comme un rêve sans crier gare. Cette que tu cherches dans tous les regards, tu croises depuis si longtemps les bras ballants. Attends donc cet idéal féminin, reste au bord du chemin pour tourner le monde, t'attendra pas. Alors retire-moi ces doigts d'où tu veux, parce que t'es pas le seul à t'ennuyer, et je vais pas passer ma soirée à tenter de te décider. Entre dans la danse, sors de ta tour d'ivoire, c'est ainsi que les plaies se pansent quand il fait nuit noire. Entre dans la danse, sors de ta tour d'ivoire, c'est ainsi que les plaies se pansent quand il fait nuit noire. Suivi tes instincts, alors tu n'aurais rien que des souvenirs un peu palots d'une soirée ou non, alors qu'avec un peu de culot t'as eu gros lot. Alors quand l'aventure te tente, n'hésite pas et plante ces quelques légumes qui végètent dans leur amertume et jette tout feu ta dignité. Elle ne t'apportera que des regrets. Moi quand je serai mort, je préférerai des remords. Entre dans la danse, sors de ta tour d'ivoire, c'est ainsi que les plaies se pansent quand il fait nuit noire. Entre dans la danse, sors de ta tour d'ivoire, c'est ainsi que les plaies se pansent quand il fait nuit noire. Entre dans la danse, sors de ta tour d'ivoire, c'est ainsi que les plaies se pansent quand il fait nuit noire. Entre dans la danse, sors de ta tour d'ivoire, c'est ainsi que les plaies se pansent quand il fait nuit noire.